d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Listebou un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebou l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Mireille Kanyang. Eric Ouimana sur la mise en onde. Nous sommes vendredi 28 février. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grands titres. Clôture ce vendredi de la session de décembre dans les deux chambres du Parlement burundais. Dans cette édition à la Chambre basse, le président appelle la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à multiplier les rencontres avec les partenaires aux élections. Adoption mercredi de cette semaine en Conseil des ministres du budget de l'État, exercice 2020-2021, un budget estimé à plus de 1 415 milliards de francs burundais. Et près de 30 filles ont abandonné l'école dans la direction provinciale de l'enseignement en province Kayanza suite aux grossesses non désirées sur ce. Et c'est au premier trimestre de cette année scolaire. Dans cette édition, vous aurez également la chronique environnement. Bonjour et bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Adoption ce mercredi en Conseil des ministres du projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2020-2021. Les ressources sont estimées à plus de 1 415 milliards de francs burundais contre plus de 1 327 milliards de l'exercice budgétaire en cours. Dans un compte rendu de ce Conseil des ministres, lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, il a précisé que le gouvernement a mis en avant les priorités du plan national de développement 2018-2027. Dans ce compte rendu, Prosper Nahogwami a en outre indiqué que le gouvernement compte renforcer les mesures de lutte contre la fraude afin d'accroître l'assiette fiscale. Suivez. Ce projet de loi des finances pour l'exercice 2020-2021 intervient dans un environnement caractérisé par un redressement économique au niveau international. Au niveau national, ce projet est préparé dans un contexte particulier où le pays s'approche à des élections d'une part et dans un contexte marqué par une reprise modérée de l'économie et par la poursuite de la politique budgétaire prudente et de priorisation dans la gestion du budget de l'État, d'autre part. La politique budgétaire continuera à porter sur la mise en œuvre du plan national de développement en veillant à l'alignement des budgets sectoriels aux différents programmes et projets de ce plan. C'est dans cet esprit que la préparation du budget 2020-2021 a été faite sur base des priorités envoyées par les différents ministères et institutions. Il a été, à cet effet, tenu en compte des priorités retenues dans le plan national de développement 2018-2027 qui met l'accent notamment sur les secteurs porteurs de croissance. Pour l'exercice 2020-2021, la politique de priorisation dans l'exécution du budget de l'État sera maintenue afin de bien contrôler et gérer toute activité ou événement engageant les dépenses publiques. L'année budgétaire sera aussi marquée par une politique visant à soutenir les entreprises locales afin qu'elles puissent être plus compétitives sur les marchés extérieurs. Au niveau social, certaines mesures seront mises en œuvre au cours de l'exercice 2020-2021. Ainsi, dans le souci de continuer à appuyer ces fonctionnaires même pendant la retraite, le gouvernement accordera une subvention représentant les dépenses liées au ticket modérateur de soins de santé à charge des retraités de l'État non couvertes par la mutuelle de la fonction publique. Dans le but d'augmenter les recettes, de nouvelles mesures seront prises en vue d'élargir l'assiette fiscale, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, renforcer le recouvrement des arriérés et maîtriser les exonérations. Pour l'exercice 2020-2021, les ressources totales du budget général de l'État sont estimées à 1 415 1,051 milliards de frambou contre 1,327,08 milliards de frambou pour l'exercice 2019-2020, soit une augmentation de 6,66%. Quant aux charges, elles passent de 1,516,4 milliards de frambou en 2019-2020 à 1,569,3 milliards de frambou pour l'exercice 2020-2021, soit un accroissement de 3,4%. Le déficit global du budget général de 2020-2021 s'élève ainsi à 153,8 milliards de frambou contre 189,3 milliards de frambou pour l'exercice 2019-2020, soit une diminution de 35,5 milliards de frambou. Après un débat approfondi sur ce projet de loi, le Conseil l'a adopté, moyennant quelques recommandations à tenir en considération. Prosper Ntharwamy est le porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. En page politique, clôture ce vendredi de la session des activités trimestrielles à la Chambre basse du Parlement burundais. À cet effet, Pascal Nyabenda, président de la Chambre basse du Parlement burundais, a appelé la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à multiplier les rencontres avec les partenaires aux élections suivies. Nous apprécions l'état d'avancement du processus électoral et encourageons la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et ses démembrements à continuer de conduire avec succès ce processus avec la multiplication de rencontres et réunions à l'endroit de tous les acteurs concernés. Au moment où le pays s'achemine vers les élections générales de 2020, nous exhortons encore une fois les acteurs politiques, et particulièrement les médias, à jouer leur rôle avec beaucoup plus de responsabilité afin de développer davantage dans notre pays une culture de dialogue, de tolérance et de paix. Nous invitons toute la population à continuer à rester calme pendant toute la période de campagne électorale et à vaquer à ses activités quotidiennes avant, pendant et après les élections. L'Assemblée nationale profite de cette occasion pour adresser ses sincères félicitations et encouragements à son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, pour le modèle d'alternance qu'il vient de montrer en laissant son parti politique, le CNDD-FDD en sigle, présenter à notre candidat aux élections présidentielles lors du congrès extraordinaire de son parti tenu à Gitega en date du 26 janvier 2020. C'est un événement très important et historique qui ouvre une ère nouvelle d'alternance politique au Burundi, un bon exemple à suivre par d'autres peuples. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale. Restons à l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour parler gouvernance. Certains des députés mettent des inquiétudes quant à l'étape franchie dans la politique des assurances au Burundi. C'était mercredi lors de l'analyse du projet de loi portant révision du Code des assurances du Burundi devant les députés. Le ministre burundais des Finances, Domitien Ndihokubwaye, leur a tranquillisé que le document de vulgarisation de la politique des assurances est déjà sur la table de son bureau. Les précisions avec Moïse Misago. Parmi les questions que les élus du peuple ont posées au ministre burundais des Finances figure celle de savoir le pas déjà franchi dans la mise en application de la politique des assurances au Burundi et l'importance de ces dernières pour la population. Le député Muhungu Jean Bosco estime que le manque de sensibilisation de la population sur le fonctionnement des sociétés d'assurance serait une perte. J'aimerais savoir, monsieur le ministre, l'étape déjà franchie dans la politique de sensibilisation sur l'importance des assurances. Je pose cette question parce que même nous et autres intellectuels n'ont pas encore compris le bien fondé d'une assurance. Cela peut être une perte pour la population. Cet élu du peuple s'interroge sur le pas déjà atteint dans la décentralisation des entreprises d'assurance privée. Il y a un problème dans le secteur des assurances. Il y a nécessité d'une décentralisation comme d'autres services publics. Je veux savoir où on en est avec la politique de décentralisation des entreprises des assurances privées. Le ministre burundais des Finances explique que la politique structurée des assurances est en cours de préparation. Ici, Domitien Ndihokubwaye ajoute que le document de cette politique est déjà dans son bureau. Il trouve que le faible pouvoir d'achat de la population serait parmi les entraves. Une politique structurée est en cours de préparation car jusqu'à présent, certains pensent que l'assurance est facultative. Le document y relatif est déjà dans mon bureau. Nous estimons que ça apportera des solutions sur la sensibilisation de la population en ce qui concerne les assurances. Pour que les sociétés d'assurance se trouvant à Bujumbura, où la population a le pouvoir d'achat jusqu'à l'intérieur du pays, je pense que nous tous, nous devons travailler ensemble pour voir quoi faire pour que ces assurances soient proches de la population. Le ministre des Finances indique que le Burundi compte 14 sociétés d'assurance. Parmi ces dernières, certaines ont déjà séparé les services d'assurance vie et non-vie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h06 dans le studio de la radio Isanganiro. En période de forte pluie, les rivières Mutimbuzi et Manda débordent, menacent l'aéroport international Melchior Ndadaye. Emmanuel Habonimana, directeur général de l'autorité de l'aviation civile, dit que l'aéroport s'organise pour dévier ses eaux vers le lac Tanganyika. Il estime cependant que la solution durable serait de stabiliser les berges de ces rivières en amont. Suivez-le au micro de... L'autorité de l'aviation civile du Burundi, nous sommes prêts à l'aéroport international Melchior Ndadaye. La rivière Manda ne cause pas de problème, plutôt c'est la rivière Mutimbuzi. Et comme nous en sommes habitués, dans notre budget annuel, nous prévoyons un montant de lutte contre l'inondation, de prévenir l'inondation. Et au cas où il y en a, nous avons aussi des moyens pour lutter contre cela. Je dis bien en aval, à partir du pont Mutimbuzi sur la RN5 jusqu'à l'embouchure de la rivière vers le lac Tanganyika, nous prenons nos dispositions pour empêcher les eaux du Livienne d'atteindre l'aéroport. Mais en amont, c'est une mission du gouvernement. Poursuivons cette édition. Les déclarations injurieuses ou diffamatoires sont interdites à l'endroit des partis politiques, des coalitions de partis politiques et des indépendants durant la période électorale. Cela ressort de la loi organique portant code électoral du Burundi, spécialement dans les dispositions relatives à la campagne électorale et la propagande est libre dans le strict respect de l'ordre public. Les précisions avec Armel Moutour. Les discours, les messages lus, chantés et proclamés publiquement, les affiches, la distribution de circulaires, les réunions et voix de presse, ainsi que tout autre signe ou symbole distinctif de parti politique, d'une coalition de partis politiques ou d'un candidat indépendant constituent dans l'ensemble la propagande électorale selon l'article 26 de la loi organique portant code électoral au Burundi. Toutes ces voies de communication constituent potentiellement des canaux par lesquels les discours de haine ou de division peuvent être transmis et se propager. C'est pourquoi cette loi portant code électoral au Burundi interdit dans son article 32 de procéder lors des campagnes électorales à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit des partis politiques, des coalitions de partis politiques, d'un ou de plusieurs candidats ou listes de candidats. Ce même code électoral, en son article 219, alinéa 2, prévoit des sanctions à l'endroit de contrevenants. Ce même code électoral, en son article 219, alinéa 2, prévoit des sanctions à l'endroit des contrevenants à l'interdit de l'article 32 précité, est passible d'une amende de 800 000 francs bou à 4 millions de francs bou tout propos diffamatoire ou injurieux à l'encontre des autres candidats. Signalons à cet effet que cette infraction d'injure est passible d'un mois à un an de prison et d'une amende de 10 000 francs selon l'article 265 du Code pénal burundais. L'article 266 de ce même code stipule qu'un acte de nature à provoquer la haine est puni d'une servitude pénale de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 10 000 francs à 100 000 francs burundais ou d'une de ces peines seulement. Signalons que la période de propagande commence avec le 27 avril de cette année et se termine le 17 mai, comme l'indique le calendrier électoral sorti par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Page éducation de cette édition, deux enseignants de la province scolaire de Kayanza accusés d'avoir violé de jeunes filles élèves qu'ils enseignaient ont déjà déserté le service. tandis qu'un autre est pour le moment incarcéré au commissariat de police à Kayanza pour des raisons d'enquête judiciaire. Ceci ressort du rapport sorti par la direction provinciale de l'enseignement à Kayanza, un rapport qui parle de 27 élèves qui ont déjà abandonné l'école pour des raisons de grossesse non désirées. Désiré Hatungimane, directeur provincial de l'éducation dans cette province, invite tout un chacun, y compris les élèves, à dénoncer chaque fois les présumés auteurs des actes de viol afin de décourager ce comportement en milieu scolaire. Le point avec Patrick Nsengiumva depuis Kayanza. Ce rapport montre que l'un de ses enseignants exerçait son métier d'enseignement à l'école secondaire d'Ogasenyi en commune Gahombo, l'autre au collège communal Matongo, ainsi que celui de l'Ekofo Migende en commune Gatara. Le même rapport indique que parmi ses enseignants présumés avoir violé les jeunes filles élèves qu'ils étaient censés éduquer, deux sont mariés et un autre encore célibataire. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Kayanza, l'on indique qu'après avoir commencé à mener des enquêtes conjointement avec les comités de gestion des écoles, deux ont déserté le service tandis qu'un autre a été appréhendé et conduit au cachon du commissariat de police où il est pour le moment en situation de garde à vue et un dossier judiciaire est en cours d'instruction en son endroit. Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, témoigne que, selon les enquêtes menées, cet enseignant de l'Ekofo Migende, qui était d'ailleurs maître responsable, aurait déjà violé environ 19 filles élèves pendant ces derniers 10 ans. Cet enseignant, poursuit-il, invitait ces jeunes élèves à le retrouver dans le bureau du directeur après le départ de leurs camarades. Ce responsable de l'éducation à Kayanza précise que certaines des filles qui ont abandonné l'école, à qui on a fait des enquêtes, témoignent qu'ils ont préféré abandonner l'école car cet enseignant leur demandait toujours à coucher avec lui, mais en vain. De tout ce qui précède, Désiré Atungimana, directeur de l'éducation à Kayanza, interpelle tous les intervenants dans le secteur de l'éducation à dénoncer chaque fois ces présumés violeurs de jeunes filles et élèves afin qu'ils soient punis conformément à la loi dans le but d'éradiquer à jamais pareil comportement en milieu scolaire. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Isanganilo. Restons au nord du Burundi, cette fois c'est en province Muyinga pour parler commerce. Les commerçants détaillants de cette province doivent respecter les prix officiels des produits tels que le ciment, les produits de la Brarudi et le sucre. Cet appel émane du conseil économique du gouverneur de cette province ce jeudi lors d'une réunion animée par ce conseiller à l'endroit des groupes de cette province. Ces commerçants estiment qu'appliquer le même prix de vente que les grossistes serait synonyme de les chasser dans le commerce. C'est le point avec Dieudonné Nzeyimana. En une seule journée, l'autorité provinciale a organisé des réunions à l'endroit de trois groupes de commerçants, les grossistes et détaillants du sucre et du ciment, les tenants des bistrots. Un seul message est lancé par Baden Djoumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province de Muyinga. On ne peut pas tolérer qu'il y ait une majoration des prix, si minime soit-elle, par rapport au prix officiel. La commercialisation de certains produits pose toujours problème. Les détaillants du ciment trouvent impossible de vendre un sac de ciment à 24 500 francs, alors que c'est le même prix chez les grossistes. Pour le sucre rare ces jours, le prix oscillant autour de 3 000 francs par kilo par endroit, les grossistes s'engagent désormais à détailler eux-mêmes pour les approvisionnements du mois prochain. Les détaillants trouvent que c'est une façon de les chasser de la profession. L'autorité ne cède pas. Ceux qui refusent de se plier à cette exigence de respect des prix officiels n'ont qu'à remettre le tablier ou changer de produit à commercialiser. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le Burundi fait face à une disparition des espèces animales, comme l'explique Albert Mbonerané. Cette extinction animale est due à l'activité humaine. Ce spécialiste en environnement propose un mécanisme de régulation des activités humaines. Et le point avec Yvette Nijimbere. Les éléphants font partie des animaux qui ont disparu. Comme le souligne Albert Mbonerané, d'autres espèces sont menacées d'extinction. Il y avait des éléphants, mais aujourd'hui, si on vous pose la question, est-ce qu'on peut trouver un éléphant au Burundi? Il n'y a aucun éléphant. Donc, ça, c'est une perte, je dirais, une espèce qui a complètement disparu de notre pays. Les singes, surtout les chimpanzés, je ne pense pas qu'on en parle plus beaucoup. Ce spécialiste en environnement déplore le non-rapatriement de ces chimpanzés qui sont en exil Brazzaville depuis 1999. Ces chimpanzés ont été conduits en exil au Kenya parce que leur situation ici au Burundi, ce n'était pas bien. Mais c'était sur un contrat, une convention entre l'INCN et une organisation américaine. Et dans ce contrat, il était dit qu'une fois que la sécurité se sera normalisée au Burundi, qu'ils pourront rentrer au Burundi. Et là, nous avons cherché à les rapatrier, mais il y avait beaucoup de conditions. Il fallait que d'abord, on aménage un site où ils devaient se retrouver à l'aise comme ils étaient habitués à vivre au Kenya. Albert Mbonelane souligne que ces espèces menacées souffrent des persécutions humaines et des destructions de leur habitat. Il faut que l'habitat soit en bonne condition. S'il y a des feux de brousse qui sont déclarés dans un boisement, dans une forêt, la chasse, tout ça, les animaux sont obligés de fuir. S'ils ne meurent pas, ils doivent fuir. Il propose un mécanisme de régulation des activités humaines. Il devrait y avoir un mécanisme de régulation. Parce que si nous mettons à chasser comme nous voulons, si nous mettons à tuer comme nous voulons, toutes ces espèces risquent de partir. Albert Mbonelane indique que le Burundi enregistre une grande perte dans le domaine touristique. Sur la vie économique, d'abord revenant sur la nature, les boisements, etc. C'est une richesse naturelle qui devrait attirer, je dirais, les touristes. Et quand un touriste visite un site, économiquement, ça devrait rapporter quelque chose. Ce spécialiste en environnement souligne néanmoins que les oiseaux sont moins menacés par rapport aux autres espèces et qu'il y a même ceux qui migrent dans le parc de la Rubvubu. Point final à cette édition de la mi-journée de ce vendredi 28 février. Merci de l'avoir suivi.